Selon Forbes, il y a 2153 milliardaires dans le monde sur 7,8 milliards d'habitants de la planète Terre. C'est un tout petit pourcentage de la population. Beaucoup de gens éprouvent beaucoup de jalousie et de ressentiment envers les milliardaires. Certains ont de l'admiration pour les milliardaires. Quand j'entends les gens dire « je veux être milliardaire » ou je le vois sur les médias sociaux « oh, je vais être milliardaire », je ne pense pas que la plupart des gens aient la moindre idée de ce qu'il faut pour être milliardaire. Vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas d'être le seul sur 100 ou le seul sur 1000, ni même le seul sur 10 000, ni même le seul sur 100 000. Vous avez entendu parler de l'expression « 1 sur 1 million ». Eh bien, être milliardaire, c'est une chance sur quelques millions. Vous devez être aussi bon et aussi exceptionnel. Maintenant, voici à quoi ressemblent 10 000 dollars. Un petit montant dans une pile. Et voici à quoi ressemblent 100 000 dollars. Ce n'est même pas un gros tas. Et voici à quoi ressemble 1 milliard de dollars. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est une énorme somme d'argent. Plus d'argent que la plupart des gens peuvent imaginer. Je ne suis pas milliardaire, mais j'ai eu le privilège d'interviewer un certain nombre de milliardaires sur mon podcast, le Dan Locke Show, et j'ai eu la chance d'être encadré par certains d'entre eux. Ce que je vais partager avec vous, ce sont simplement mes observations, des notes que j'ai prises dans mon petit carnet. J'ai tout un carnet sur eux, en particulier sur leur façon de penser et leur état d'esprit de milliardaire. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous trois découvertes tirées de mon petit carnet. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter ces idées. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je partage simplement avec vous ce qui a fonctionné pour moi, dans ma propre entreprise et dans ma propre carrière. Tout le monde a une opinion sur les milliardaires. Mais la plupart des gens n'ont jamais gagné plus de 40 000 dollars par an dans leur vie. Et il y a de fortes chances qu'ils ne parlent jamais à un milliardaire. L'état d'esprit du milliardaire numéro 1. L'argent n'est pas leur principale motivation. Ils ne le font pas pour l'argent. Peut-être au début, mais plus tard. Pensez-y, votre objectif est simplement de vivre une vie confortable, une vie luxueuse. Après un certain temps, il est très facile de perdre la motivation. Ils ne le font pas pour de l'argent. Après un certain temps, ils le font pour autre chose. Ils le font pour gagner. Ils le font pour faire la différence, pour bouleverser un secteur ou simplement parce qu'ils le peuvent. En fait, je dirais que c'est la principale différence entre un millionnaire et un milliardaire. Un millionnaire, une fois que vous avez atteint un certain stade de succès, une fois que vous êtes à l'aise, il est facile de devenir complaisant, n'est-ce pas? Comme mon mentor le dit, le défaut est une salope. Quand vous avez plus de succès que les gens autour de vous, vous savez quoi? Je n'ai plus envie de travailler, c'est dur, n'est-ce pas? Pensez-y. Si vous vivez déjà dans la maison que vous vouliez, si vous conduisez déjà la voiture que vous vouliez, vous prenez déjà les vacances que vous vouliez, vous séjournez dans les meilleurs hôtels, vous avez une vie confortable. Si toute votre motivation est basée sur ces choses, vous perdrez rapidement votre motivation. D'après mon observation des milliardaires, l'argent est simplement un moyen pour eux de compter les points. Non pas parce qu'ils sont cupides, mais parce qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils sont bons dans ce domaine. Et c'est pourquoi ils sont payés très cher pour faire ce qu'ils font. Vous voyez des gens pauvres dire, vous savez, si j'avais cet argent, je ne travaillerais plus jamais de ma vie. Avec ce genre de mentalité, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais cet argent. Parce que vous n'êtes pas motivé, parce que vous n'êtes motivé que par l'argent lui-même. Steve Jobs l'a bien dit, je valais 1 million à 23 ans. Je valais 10 millions de dollars à 24 ans. Et 100 millions de dollars à 25 ans. Mais ce n'est pas si important. Je ne l'ai jamais fait pour l'argent. L'état d'esprit du milliardaire numéro 2. Les milliardaires comprennent les gens. D'après mes observations, les milliardaires ont des qualités relationnelles exceptionnelles. Certains d'entre eux sont de grands communicateurs. Ce sont de grands orateurs. Certains d'entre eux sont des négociateurs ou des négociateurs de classe mondiale. Ils peuvent conclure des accords. Ils peuvent conclure des affaires. Ils savent comment négocier avec les banques. Avoir de bonnes aptitudes relationnelles ne signifie pas qu'ils ne seront pas aimés tout le temps. En fait, la plupart d'entre eux ne sont pas si gentils. Ils sont durs. Ils sont durs parce qu'ils se sont fait avoir. On a profité d'eux. Ils ont été poursuivis en justice, non? Ils ont été poignardés dans le dos. Ils ont beaucoup de tissus cicatrisés, d'accord? Ils ont beaucoup de chaleur. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose d'eux. Ils ont donc la peau dure. Et presque sans exception, ils ont tous des compétences de leadership de classe mondiale. Ils savent comment diriger les gens. Ils comprennent les gens. Ils savent comment motiver les gens. Ils savent comment constituer une équipe. Ils savent qu'il faut des gens pour faire avancer les choses. Vous devez savoir comment rassembler les gens. Travailler ensemble en tant qu'équipe et ne pas travailler les uns contre les autres. Et c'est difficile. J'ai également remarqué qu'ils sont prêts à investir du temps dans le développement de leurs relations clés. Et la plupart d'entre eux sont très généreux et sont prêts à aider les gens. Tant que vous êtes sincère, ils sont prêts à vous aider. Je vais vous raconter une petite histoire à travers un ami commun. Il m'a présenté à l'un des hommes les plus prospères, l'un des plus riches de ma ville de Vancouver. Et j'ai obtenu son numéro de téléphone. Je l'appelle et je lui dis que j'ai été introduit par un ami et que je veux juste lui demander un conseil et que je me demande si je peux l'inviter à déjeuner. Dès que je l'ai appelé le matin, il m'a dit « Bien sûr, allons déjeuner ensemble parce que j'ai du temps. Pourquoi ne viendrez-vous pas à mon hôtel ?» Parce qu'il possède un de ses hôtels à Vancouver. Il m'a dit de venir à son hôtel, que je le rencontrerai dans le hall à l'heure du déjeuner. J'ai dit « Super !» Alors, je me suis habillé, j'ai conduit jusque-là et je l'ai vu dans le hall. Il m'a salué, il était très gentil, puis il m'a dit « Pourquoi ne pas manger dans mon restaurant ?» Parce qu'il possède aussi ce restaurant au rez-de-chaussée de l'hôtel. Nous sommes donc entrés et tout le monde l'a salué. Vous pouviez voir les gens, les clients, beaucoup de gens le connaissent. Il disait « Salut, comment ça va ?» Il serre la main à tout le monde, d'accord, très accueillant, et nous sommes assis et nous avons déjeuné. Je lui demandais, je prenais des notes sur le conseil qu'il me donnerait à la fin du déjeuner et j'ai dit « Ok, super ». J'ai sorti ma carte de crédit parce que je voulais lui faire plaisir. Il m'a dit « Non, ne t'inquiète pas, tu manges dans mon restaurant. Je ne vais pas vous laisser payer dans mon restaurant. Peut-être que la prochaine fois. » En tant que jeune homme, je n'ai rien à lui offrir. Il n'y a rien dont il a besoin ou qu'il veut de moi. Non seulement il m'a consacré son précieux temps en me donnant des conseils, mais il m'a aussi payé le déjeuner. C'est incroyable. L'état d'esprit numéro 3. Les milliardaires voient les choses que les autres ne voient pas. Voici un bout de terrain. Les pauvres ne verront qu'un tas de terre, d'accord ? Certains pourraient voir un jardin. La classe moyenne verra une maison dans laquelle elle pourra vivre. Un millionnaire pourrait voir un quadruplex qu'il pourrait construire. Mais un milliardaire pourrait voir un gratte-ciel. Peut-être avec de l'immobilier commercial dans la partie inférieure et des condos dans la partie supérieure. Ils verront qu'ils peuvent construire une gare ici et qu'ils peuvent aussi acquérir la propriété voisine. Ils voient les choses complètement différemment. Ils ont un état d'esprit que j'appelle ingénieux, sans ressources. Ils sont très créatifs lorsqu'ils ne peuvent pas faire quelque chose ou que quelqu'un leur dit qu'ils ne peuvent pas l'accomplir. Ils trouveront toujours un moyen. Ils ont une vision très convaincante. Ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent accomplir. Et parce qu'ils ont cette vision convaincante, il leur est très facile d'attirer les bonnes personnes et leur dire « Je veux vous aider à réaliser cette vision. » Parce que les milliardaires savent comment peindre cette image et ils savent comment élaborer cette vision vivifiante. Si vous pouvez l'aider à obtenir ce qu'il veut, vous obtiendrez aussi ce que vous voulez. C'est donc une situation gagnant-gagnant. Ils savent comment mobiliser une équipe. Ils savent comment motiver les gens. Ils savent comment résoudre les problèmes. Ils savent comment établir des liens. Ils ont donc des compétences exceptionnelles et ils pensent à long terme. Ils pensent de manière très stratégique. C'est l'une des choses que j'ai apprises. Alibaba a un plan d'affaires pour 102 ans. Il prévoit d'être là pendant 102 ans. Et je sais que quand j'écoute mes mentors milliardaires, ils parlent d'un plan sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Ils ont cette vision à long terme et ils sont prêts à attendre. Ils sont patients et parce qu'ils pensent à long terme, ils peuvent se mettre en position de capitaliser sur certaines opportunités par rapport à d'autres personnes qui ont le syndrome de l'objet brillant ou qui ont une vision à court terme. Et une autre chose que j'ai remarqué est peut-être un conseil supplémentaire sur l'état d'esprit. Et ce qu'ils ne pensent pas aux niches. Ils ne pensent pas aux petits marchés. Il y a de fortes chances que la plupart d'entre eux pensent soit à l'échelle nationale, comment dominer un secteur dans tout le pays, soit à l'échelle mondiale, comment dominer un secteur globalement et pas seulement localement. Ils ne croient pas aux petites niches. Ils ne croient pas aux petites catégories. Ils veulent être le leader d'une industrie mondiale. Ils voient grand. C'est pourquoi ils sont très très compétitifs, n'est-ce pas? Ils veulent gagner. Ils veulent gagner gros. Et c'est pourquoi, pour gagner gros, ils ont besoin de ce plan sur 10, 20, 30 ans. Et ils sont prêts à payer le prix et à travailler dur pour cela. Ce sont là quelques-unes de mes observations sur l'état d'esprit d'un milliardaire.